sont un peu tiraillés par cette nouvelle proposition de loi qui viserait à réguler ce marché. Et donc, ça semble assez inhabituel, car le nombre de lettres qui est envoyé par les citoyens est vraiment très élevé, et elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes plus ou moins le même format, et donc, M. Beinsen va commencer à investiguer. Il va voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière cette campagne de communication qui paraît vraiment fast-food, qui paraît vraiment sortir de la population. Et en fait, il est apparu que cette campagne de communication, donc toutes ces lettres, avaient été en fait fabriquées et envoyées par les industries de l'alcool et des liqueurs elles-mêmes. Donc c'est ça qui est vraiment très problématique, c'est que c'est une entreprise qui a elle-même envoyé des lettres à un décideur politique en prétendant que c'était des citoyens qui avaient envoyé ces lettres. Et donc, c'est pour qualifier cette stratégie de communication que M. Beinsen va utiliser le mot astroturfing. Donc, astroturfing fait en fait référence à l'astroturf. Donc, l'astroturf, c'est une marque de gazon synthétique qui est généralement utilisée dans les terrains de football, les terrains de hockey. Et donc, c'est pour montrer que l'astroturfing, c'est une simulation d'un mouvement grassroots. Donc en anglais, le mouvement grassroots, c'est vraiment des mouvements citoyens qui viennent de la racine, qui viennent vraiment de la société elle-même. Et donc pour montrer qu'il y a des entreprises ou des intérêts privés qui visent à imiter ce mouvement grassroots, ils viennent utiliser le mot astroturfing, donc ce gazon synthétique. Donc c'est de là que vient cette origine. Donc, il y a certains problèmes de définition au niveau de l'astroturfing et les recherches les plus poussées sur le sujet, en tout cas les plus intéressantes, sont proposées par Sophie Boulet, donc, qui a écrit les deux textes et qui a fait une thèse de doctorat au Canada sur la question. Et elle, après une revue de la littérature poussée et des recherches exploratoires sur le sujet, eh bien, elle va proposer une définition qui est assez compréhensible et assez englobante de l'astroturfing. Donc, elle dit que l'astroturfing est une stratégie de communication dont la source réelle est occultée et qui prétend à tort d'être d'initiative ou d'origine citoyenne. Alors, ce que vous devez vraiment retenir aujourd'hui, et de cette définition en tout cas, c'est vraiment deux éléments clés. C'est que pour qualifier une campagne de communication d'astroturfing, il faut, un, que l'émetteur du message soit caché, ne se dévoile pas, et dans un deuxième temps, qu'il prétend émaner de la société civile ou des citoyens. Donc c'est vraiment les deux éléments clés qui qualifient une communication, une stratégie de communication d'astroturfing. Donc essayez, pendant toute cette présentation, essayez de garder cette définition en tête, et ces deux éléments clés, car avec cette définition assez large, ça permet d'englober des stratégies d'une part écrites ou orales, mais aussi des stratégies plus numériques, des stratégies dans le milieu politique, à des fins de lobbying, ou des stratégies qui veulent influencer l'agenda médiatique ou l'agenda public. Donc, c'est vraiment de garder cette définition assez large qui permet de bien englober différentes stratégies d'astroturfing. Alors, maintenant, passons à la revue de la littérature. Donc, l'objectif de cette revue de la littérature, c'est pas que vous notiez tous les noms et que vous reteniez chaque fois les dates et les auteurs et leurs définitions, mais c'est plutôt de comprendre que l'astroturfing est encore un objet de recherche très mal étudié, enfin, non, très peu étudié plutôt, et qu'il est encore nécessaire de faire des recherches et d'essayer de comprendre comment cela fonctionne et comment cela est problématique dans nos sociétés démocratiques. Une des hypothèses du fait qu'il y ait si peu de recherches, c'est notamment évidemment le caractère méthodologique qui est problématique, puisque faire des recherches sur l'astroturfing est assez compliqué. Car vous voyez, en cours de méthode, je suppose qu'en sciences sociales, il y a surtout des recherches quantitatives ou qualitatives. Si on veut faire des recherches qualitatives sur l'astroturfing, eh bien, vous pouvez essayer d'aller interviewer des gens dans des boîtes de relations publiques et leur dire « Bonjour monsieur, il paraît que vous faites des stratégies d'astroturfing, vous pouvez expliquer ?» Eh bien non, ils vont vous fermer la porte et vont vous dire « Non, nous on ne fait pas ce genre de stratégie, car ils veulent garder et préserver leur réputation. » Et au niveau des stratégies ou des analyses, ou plutôt des méthodes quantitatives, eh bien, c'est extrêmement compliqué car il y a peu de cas qui ont été dénoncés et qui peuvent servir de corpus. Et dans les cas qui ont été dénoncés, et bien par définition, ce sont en fait des échecs d'astroturfing. Ils ont été dénoncés, et donc c'est que l'objectif final n'a pas été atteint. Et donc ce serait simplement une analyse en fait de cas d'astroturfing qui ont échoué. Donc tout ce problème méthodologique, mais au final, mène les chercheurs à ne pas ou peu s'intéresser à ce phénomène d'astroturfing, pourtant je considère Alors, ce qui est également important dans cette nouvelle littérature, c'est de comprendre que la scotofing ne touche pas qu'un seul secteur, par exemple le lobbying, et que la scotofing est utilisée et n'est utilisée que en lobbying. La scotofing peut être utilisée dans différents domaines, et bien entendu, l'argument de la littérature montre cela. Donc, il y aura des chercheurs de sciences politiques, des chercheurs de sociologie, de communication, d'informatique, de management. Donc, tous ces gens vont s'intéresser à la façon dont cette stratégie de communication va avoir une influence sur leur domaine. Donc, le premier vrai travail académique qui a été porté sur la scotofing, il a été mené en 1995 par John Storer et Sheldon Frampton dans leur livre Toxic Sludge. Donc, leur objectif dans ce livre, c'est de montrer un peu toutes les pratiques de l'industrie des relations publiques et de la communication qui est vraiment peu éthique et qui vise à manipuler l'opinion publique. Et donc, dans leur livre, c'est vraiment un recueil de cas et d'exemples, principalement américains, où les industries principalement, ils visent vraiment les industries dans ce livre aussi, comment ils arrivent à influencer l'opinion publique en créant par exemple des front groups, donc des groupes façades. Donc par exemple, ces front groups, c'est des industries qui vont créer des fausses ONG, des fausses ASBL avec un nom un peu trompeur pour essayer d'influencer soit les décideurs politiques ou l'opinion publique. Donc c'est évidemment fortement problématique. Et un autre aspect qui est assez intéressant dans ce livre, c'est aussi leur vision et leur compréhension que le débat scientifique sur des enjeux actuels est extrêmement important. Et donc, ils montrent comment, par exemple, l'industrie du tabac ou l'industrie l'industrie pharmaceutique va en fait financer des études scientifiques avec des chercheurs dans des universités, pourtant, pour essayer de faire montrer, enfin, de montrer que, par exemple, Coca-Cola va payer une étude pour montrer que le Coca-Cola ne participe pas à l'obésité ou ne fait pas grossir, etc. Et donc, il y a une certaine façon, une volonté de capturer ce débat scientifique. Et ça, l'entreprise et l'industrie des relations publiques l'a bien compris. Et donc, c'est vraiment très intéressant de ce livre. Ensuite, nous avons Sharon Beller, qui a travaillé sur la scotofing également en 1998 principalement. Et elle va bien plus s'intéresser dans l'aspect environnemental en fait, de la chose. Et donc, elle va montrer que dans les débats sur l'environnement et sur le réchauffement climatique aux États-Unis, il y a un nombre très important de groupes d'intérêt qui se présentent comme des ONG environnementales, mais qui en fait sont financés par des entreprises du charbon, de pétrole, de gaz et autres, et qui vont évidemment essayer d'influencer le débat dans le sens des entreprises. Et donc, elle ira jusqu'à lister tous les cas, tous les groupes d'intérêt qu'elle voit qui sont en fait des cas d'ascoteurs. Elle ne va pas utiliser ce mot, mais il s'agit de groupes ascoteurs. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment voilà, une mise en route de la recherche académique sur le sujet, et notamment dans le niveau, en tout cas dans le secteur environnemental, car c'est notamment la recherche de McNutt et Boland qui démontre que les cas d'ascoteurfing, il y en a énormément dans le milieu environnemental. C'est vraiment un endroit où si vous en cherchez, si vous voulez les étudier, a priori, c'est dans ce milieu-là qu'il faut aller chercher. C'est assez évident car il y a vraiment une relation très conflictuelle entre les industriels et les ONG environnementales et la société civile. Et il est extrêmement de mettre de son côté l'opinion des citoyens qui habitent dans des régions autour de centrales nucléaires ou autres, parce que ce sont eux qui ont une voix décisive dans la prise de décision en matière environnementale. Par ailleurs, si je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Oui, tout à fait. Je vais donc il y a une petite bibliographie à la fin de cette présentation. Et puis pour toutes les questions je peux vous envoyer une bibliographie bien approfondie si vous le désirez. Mais c'est vraiment, le plus important n'est pas vraiment les noms, mais c'est vraiment plutôt les concepts et la façon dont la radio sur la scotofing à Google. Donc, ensuite, il y a d'autres recherches qui vont toujours dans ce sens sur cette problématique de l'environnement, avec notamment Shaw en 2011, qui démontre vraiment que ce débat sur le réchauffement climatique, on sait que par exemple ici en Belgique, il est un peu moins problématique, mais par exemple aux États-Unis, il suffit de regarder le président américain, et voilà, on se dit que même les preuves scientifiques ne sont pas toujours incontestable pour certains, et qu'il y a vraiment une volonté par les industries ou par certains politiques de vouloir influencer, de vouloir montrer que le réchauffement climatique n'existe pas très vite. Et que donc, il y a vraiment un gros travail des entreprises, des industries, pour créer des faux moyens, pour créer des faux groupes d'intérêt, ou pour créer des fausses campagnes de communication, pour montrer que le réchauffement climatique n'existe pas. Et encore dans ce milieu environnemental, où là, il y a Zumek et certains autres chercheurs qui ont démontré et qui ont analysé vraiment une campagne plutôt sur l'industrie du charbon et qui montre qu'en fait, le Race Waterfront, ce n'est pas seulement un seul groupe de façade, mais c'est en fait vraiment toute une campagne de communication qui est menée à différentes échelles. Et on voit qu'il y a en fait une professionnalisation de Race Waterfront de nos jours et que ce n'est pas simplement certains petits cas isolés, mais que les industries investissent vraiment cette stratégie et que, voilà, on va créer une ONG avec un site internet, avec des comptes Twitter, on va renvoyer des communiqués de presse avec tel logo. Donc il y a vraiment une professionnalisation de la spotting sur le sujet. Et à ce sujet-là, justement, il y a un excellent ouvrage d'Edward Walker, qui est professeur à l'Université de Californie, et qui s'appelle Grassroots for Hire. Donc vraiment, cette volonté de pouvoir acheter ou de louer, entre guillemets, de l'opinion publique. Et donc dans son ouvrage, il va vraiment montrer que l'astroturfing, c'est vraiment devenu un business en soi. Il y a des entreprises de relations publiques et de communication dont le premier business est vraiment de créer de l'opinion publique. Et donc, vous pouvez aller chez eux et dire « Bonjour, voilà, ce jour-là, on organise des manifestations contre l'avortement, par exemple. Eh bien, on a besoin de 2000 manifestants et voici le prix. » Et l'industrie et l'entreprise de relations publiques va dire ben voilà, on va vous donner 2000 personnes pour manifester, ça va coûter autant de dollars, etc. Donc c'est vraiment un marché qui est devenu assez, assez inquiétant d'un point de vue démocratique, puisque vous pouvez vraiment acheter des gens pour aller à des manifestations, vous pouvez acheter des followers sur Twitter, vous pouvez acheter X retweets sur un... Donc c'est vraiment une campagne et un business qui s'est créé autour de cela et qui est, je considère, en tout cas assez dangereux pour la démocratie, et que c'est pour ça qu'il faut en parler, notamment dans les universités, et notamment aujourd'hui. Alors, s'il y a un business pour les... Oui. Est-ce que la naissance ou bien la vulgarisation des réseaux sociaux numériques n'ont pas justement favorisé la naissance de la souhaite faire? J'en viens dans deux paragraphes. Ah, ok, excusez-moi. Mais c'est une bonne question, c'est une excellente question, et c'est en lien, je vais y venir dans un instant. Mais donc tout d'abord, ce que je voulais aussi dire, c'est que s'il y a un business autour de l'astroturfing, mais il y a une raison derrière ça, c'est que ça marche. Et donc c'est notamment en 2004 que Lyon et Maxwell sont les chercheurs plutôt en management, et ils vont lancer une recherche pour essayer de voir et vraiment de montrer combien peut rapporter une campagne d'astroturfing. Et donc, ils vont eux-mêmes développer des modèles économiques. Donc, on est bien plus dans le financier et dans le système managérial de l'astroturfing et de voir comment et combien vraiment de dollars peut rapporter une campagne d'astroturfing. Et donc là, ça devient vraiment à nouveau, je ne sais pas si c'est une bonne publicité pour l'astroturfing, mais ce genre de recherche donc, existe également dans le milieu du management et les gens y voient un intérêt. Mais ce que ces chercheurs n'ont pas pris en compte, par contre, c'est le potentiel dommageable qui peut émerger si jamais on se fait dénoncer. Car évidemment, lorsque une entreprise ou un homme politique se fait attraper dans un scandale d'astroturfing, évidemment sa réputation, elle est mise à mal. Et donc là, c'est extrêmement important de lorsqu'on pratique ce genre de stratégie, ce que je ne recommande pas, c'est que quand on se fait attraper, c'est extrêmement dangereux pour votre réputation et pour la réputation de votre entreprise. Donc c'est pour ça que, si je peux vous donner un conseil également aujourd'hui, c'est que plus tard dans votre carrière de communicateur ou de professionnel des relations publiques, c'est de ne pas faire ce genre de campagne de communication. Donc je le recommande fortement, c'est très peu éthique et je le souligne encore une fois. Donc maintenant, on va en venir à l'aspect numérique de l'astroturfing. Alors la question qui se pose, c'est, comme votre collègue l'a dit, c'est est-ce que l'Internet et les réseaux sociaux, eh bien, est-ce que c'est un terrain fertile pour la propagation de campagnes d'astroturfing? Alors, bien entendu, ça pose question, ça pose débat. Il y a notamment un chercheur, Klotz en l'occurrence, qui en 2007, il s'est intéressé aux élections aux États-Unis pour le Sénat en 2004, et il a essayé de regarder comment les candidats percevaient la participation citoyenne. Vous voulez voir comment ils invitaient les citoyens, comment ils les encourageaient à participer au débat. Et en fait, il va s'apercevoir dans son étude qu'il y a énormément de candidats américains au Sénat qui, en fait, créent leur propre participation citoyenne. En fait, ils vont écrire des lettres qu'il suffit de remplir d'un nom ou d'un pseudonyme pour envoyer à tel législateur ou tel média. Et donc, les candidats démocrates et républicains, pardon, eh bien, ils vont vraiment, en fait, essayer de forcer, entre guillemets, cette participation citoyenne. Et donc, ils vont utiliser le terme de plagiarized participation, donc une participation plagiée. Parce qu'ils vont créer tout un ensemble de communications ou de lettres, de pétitions qui sont, entre guillemets, pré-remplies et pour lesquelles il suffit de cliquer. Et donc, c'est vraiment l'idée de simplifier au maximum le travail. Et si jamais il n'y a pas assez de participation citoyenne, mais alors on va prétendre qu'il y a des citoyens, on va utiliser des faux noms et des alias, etc. etc. Donc de ce point de vue-là, évidemment, l'émergence d'Internet facilite grandement les choses. Une phrase qui est intéressante, c'est qu'il démontre en quoi le numérique, le tournant numérique peut être utilisé à des fins d'astrophing. C'est le chercheur Zhang qui la pose. Et en fait, il va expliquer que Internet va permettre aux utilisateurs de communiquer et d'agir sur le web de manière anonyme. Et ça, c'est une clé pour l'astrodafine. Car si vous citez la définition, un des deux éléments clés de la définition, c'est de garder son identité cachée. Et donc, le fait de pouvoir faire ça sur des blogs ou sur Twitter ou autre, eh bien, ça permet vraiment de garder son anonymité et de se présenter comme quelqu'un d'autre, ou alors de simplement créer des bots avec des fausses photos de personnes pour essayer d'influencer les débats. Et donc, bien entendu, de ce point de vue-là, Internet est vraiment idéal, idéal pour qualifier cela. Et une des façons de faire cet astrodurfing sur Internet, c'est ce qu'on appelle les sock puppets. Les sock puppets, donc, ce sont littéralement les poupées avec une chaussette qu'on met sur votre main, pardon, une sorte de ventriloque. Et donc, l'idée avec, avec ce terme, c'est de montrer qu'il y a des hommes politiques ou des entreprises qui vont créer des faux comptes sur Twitter, notamment, avec des faux noms, avec des fausses photos, et dont l'unique but est de relayer les messages du politicien en question ou de l'entreprise en question. Mais cela peut prendre des proportions qui sont assez grandes. Donc il suffit, avec quelques algorithmes, en fait, de créer une propagation de bots qui ont vraiment une fonction prédéterminée et qui vont donc retweeter exactement le même message, qui vont envoyer les mêmes mots avec la même idée derrière, la même idée politique, par exemple, derrière. Et donc, cette idée de sock puppetry est en train de grandir et un peu en lien avec l'astrodurfing. Donc, l'astrodurfing est évidemment plus large, puisqu'il s'agit de communication, de stratégie de communication qui est assez large, donc avec la définition. Et le sock puppetry, c'est vraiment plutôt relatif au milieu numérique. Et enfin, ce sujet-là, je vais terminer par une citation de Daniels qui dit Deception is by no means a new political strategy, but some features of the digital era can make it more difficult to determine which sites are legitimate or which sites disguise a political agenda. Donc, là, on en revient un peu à ce que Larbi Chouaki disait la semaine passée au niveau des mouvements sociaux en Tunisie. Donc, lorsqu'on lui demandait est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une révolution 2.0, il expliquait que non, ce n'est pas forcément juste une révolution 2.0. Il y avait des mouvements citoyens dans les bassins, etc., qui étaient émergents et que Internet et les réseaux sociaux ont permis d'avoir peut-être plus de visibilité, de s'organiser un peu plus, etc. etc. Et bien, pour la scoping, je considère que c'est un peu la même chose. Donc, des campagnes d'influence et de propagande et manipulation dans le milieu politique ou marchand, ça existe depuis aussi des années et des années. Donc Internet offre juste, entre guillemets, de nouvelles possibilités pour ce genre de stratégie de se propager. Donc le terme propagande vient de là, de propagare en latin, qui veut dire se propager. Donc dans cette acception-là, donc, voilà, il faut garder un peu de nuance lorsqu'on parle d'un scouterfing et d'Internet, de croire que voilà, c'est parce qu'il y a Internet qu'il y a de la scouterfing, c'est un mouvement un peu simpliste. Et pour conclure avec la revue de la littérature, il y a aussi le fait que vous entendez souvent que j'utilise des termes anglais. D'ailleurs, ici dans la typologie, on voit que ce sont principalement des mots anglais. Ce n'est pas par choix que je le fais, mais c'est parce que la plupart des cas d'astrosurfing ont d'abord émergé aux États-Unis et au Canada, par exemple. Et en fait, toute la recherche et toute la littérature sur le sujet qui arrive vient évidemment de ce même endroit. Et qu'il n'y a pas encore de traduction vraiment idéale de ces termes en français. Mais l'astrosurfing est aussi en train de se propager dans différentes régions du monde. Donc on va le voir dans les exemples plus tard, avec notamment la Chine, où c'est extrêmement présent. Et il y a notamment aussi en Australie, où un chercheur a montré que, voilà, il y avait tout un groupe d'astroturf qui avait créé un convoi de camions et de voitures pour essayer de renverser le gouvernement, alors que c'était en fait des entreprises qui étaient derrière. Et bien aussi un chercheur français, Sylvain Laurence, lui, il a eu la chance de participer carrément à la création d'un groupe astroturf ici au niveau européen. Et donc il a vraiment pu observer la façon dont les discussions et les décisions étaient prises pour créer un mouvement astroturf. Et ensuite, dans un cadre un peu plus théorique, il va expliquer pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles des groupes astroturf arrivent à émerger et sont intéressantes ici, par exemple, en Europe. Et bien, il va démontrer que, voilà, il y a les institutions européennes qui ont un certain déficit de légitimité. Ils veulent écouter un peu plus les citoyens, ils veulent avoir leur avis. Du coup, qu'est-ce que les industries font? Bien, ils vont créer des faux mouvements citoyens pour discuter avec les décideurs politiques. Donc, il y a à chaque fois un jeu aussi d'offres et de demandes de ce point de vue. Alors, au niveau des typologies, de la typologie. Allez, donc, ou juste avant ça, donc d'abord les raisons d'être de l'astroturfing, vu que c'est quand même assez important. Donc, pour l'astroturfing, il faut retenir qu'il y a différents objectifs. Ça peut être un objectif politique, donc d'influencer une législation. Peut-être que voilà, vous habitez dans la périphérie de Bruxelles ou dans Bruxelles, vous entendez les avions qui décollent et qui atterrissent, ça vous dérange, vous allez créer un mouvement citoyen, et bien vous allez aller chez le législateur en question et vous allez dire, voilà, nous ça nous dérange fortement, on aimerait bien que vous retravaillez les routes pour que les avions atterrissent dans tel sens, avec telle direction du vent, etc., etc. Et bien, ce genre de mouvement citoyen, qui vraiment émerge de la racine, de grassroots, eh bien, ils ont connu une forte popularité aux États-Unis dans les années 60, avec notamment cette volonté d'être contre la guerre. Et donc, à partir de ce moment-là, dans la classe américaine, les politiciens vont se rendre compte que les mouvements citoyens marchent, en fait. Et que donc, forcément, si les mouvements citoyens marchent, eh bien, les entreprises vont se dire, ouais, si ces mouvements citoyens arrivent à influencer les décisions politiques, et bien dans ce cas-là, nous aussi, on va influencer les décisions politiques, et on va aussi créer des mouvements citoyens. Donc, c'est via ce succès dans les années 60, qui s'étend notamment aux États-Unis, des mouvements citoyens, qu'il va vraiment y avoir une expansion des groupes astroturf à travers le temps. Ensuite, je vais souvent dans le politique, donc je vais faire un peu de marketing aussi. L'idée derrière l'astroturfing, c'est cette référence à une partie tierce. C'est vraiment cette idée de bouche à oreille. Lorsque vous voulez acheter un roman, un livre ou bien un rasoir sur Internet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder les commentaires qu'il y a sur tel et tel produit. Parce que vous vous dites, voilà, si tel citoyen ou telle personne considère que c'est un bon produit, ben, voilà, ça a l'air fiable, donc je vais l'acheter. Et donc, cette idée de bouche à oreille, en fait, eh bien, il se révèle aussi au niveau numérique. Et donc, l'objectif de l'astroturfing, c'est d'essayer de simuler un entrain ou en tout cas l'impression qu'il y a des citoyens qui sont pour tel projet ou tel produit. Alors, au niveau des différents terme que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, tout d'abord le front group. Donc le front group, c'est un groupe façade. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment l'idée que des intérêts privés va créer une fausse ONG, une fausse ASBL, avec un faux nom, avec cette volonté de sembler d'origine citoyenne, mais pour influencer soit les médias, soit l'opinion publique, soit l'opinion politique. Certains chercheurs utilisent le mot corporate ventriloquism, donc cette idée de ventriloque, que l'industrie va faire parler les gens à notre place. Et donc là, on se retrouve évidemment avec le surplus de tout, même si c'est bien plus lié à l'internet. Certains chercheurs utilisent le terme computational propaganda. Donc, à nouveau, on se retrouve dans la propagande, sur ce terme de propagande, mais au niveau informatique cette fois-ci. Ensuite, nous avons cette idée d'envoyer des lettres, par exemple. Envoyer des lettres à vos décideurs politiques ou à vos eurodéputés, parce que vous avez telle et telle recommandation. Mais également envoyer des lettres dans les médias, par le biais de carte blanche, par exemple. Eh bien, nombreuses de ces. Une des stratégies de la scrapping, c'est de créer des fausses lettres ou des lettres toutes prêtes qu'ils envoient à grande échelle à certains décideurs politiques, certains décideurs médiatiques. Et donc, c'est vraiment une stratégie qu'il faut souligner. Et donc, elle a directement lien à l'idée de participation par plagiat. Et enfin, comme je vous l'ai expliqué, la rémunération du citoyen pour manifester. Bon, maintenant que les bases sont clairement établies, on va regarder quelques exemples. Ce sera déjà un peu plus parlant pour vous en même. Donc, le premier exemple que je vais prendre, c'est au niveau européen. Au niveau européen, pour l'instant, il y a des discussions sur le fait de légiférer le gaz de schiste. Donc, je vais juste rappeler la problématique. Donc, le gaz de schiste, c'est quoi? On va dire que c'est la Terre. L'idée, c'est que dans le sol, en Europe, notamment en Pologne et en Lituanie et en Suède, eh bien, il y a du schiste dans le sol. Il y a des gisements de schiste. De schiste. Et l'idée, c'est que dans ces roches, eh bien, il y a du gaz. Du gaz qui peut être utilisé pour produire de l'énergie, produire de l'électricité. Le problème, c'est qu'elles sont difficilement accessibles. Et que donc, il faut une technologie qui est assez problématique. Donc, tout d'abord, il faut construire un puits. Ça s'appelle la fracturation hydraulique, ou fracking. Donc ensuite, on va faire une fracturation dans le sol de manière verticale. Ensuite, une autre fracturation dans le sol de manière horizontale. On va envoyer de l'eau et des produits chimiques à très forte pression. Ça va faire exploser les roches. Le gaz va se libérer et on va pouvoir le réutiliser. Mais néanmoins, le problème, c'est d'un point de vue environnemental. Et que donc, par exemple, aux États-Unis, vous remarquez que quand dans votre jardin vous avez un tel puits, et bien que régulièrement, quand vous allez prendre de l'eau dans votre robinet de votre cuisine, bien c'est plutôt des flammes qui sortent. Et donc, ça pose un peu de problème. Donc, on ne connaît pas tout à fait tous les dangers de l'exploration du gaz de schiste. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'ONG qui considèrent que c'est une pratique qu'il faut en tout cas fortement légiférer au niveau européen. Et évidemment, les industries, d'un autre côté, ont envie d'explorer cette technologie, notamment les Polonais, parce qu'il y a des gisements énormes de gaz de schiste chez eux. Et ils prennent chaque fois l'exemple américain ou canadien, parce que là-bas, le gaz de schiste, ça marche. Ils ont vraiment créé un avantage concurrentiel assez gigantesque avec le reste du monde de ce point de vue-là, et leur énergie est très peu chère. Et donc, nous sommes en 2011, et à ce moment-là, la Commission européenne, elle décide de ne rien faire. Elle décide que, pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas vraiment de problème, les législations sont suffisantes. Mais c'est alors qu'en 2012, le Parlement européen va décider de prendre son droit d'initiative, et donc, va vouloir prendre deux résolutions. résolution sur les aspects un peu plus économiques du gaz de schiste et une autre résolution sur les aspects environnementaux. Alors, durant ces discussions et ces débats parlementaires, il y a évidemment des stratégies de lobbying qui se mettent en place. Donc d'un côté, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment les industries comme Shell, Chevron, BP qui veulent explorer cette énergie et donc considèrent et utilisent des arguments très économiques avec la création de jobs, l'utilité, enfin la nécessité d'être compétitif, l'indépendance énergétique par rapport à la Russie et autres. Et d'un autre côté, nous avons des mouvements citoyens qui sont pour la promotion vraiment d'énergie plutôt renouvelable et donc de ne pas utiliser cette technologie du fracking, de la fracturation hydraulique qui est incomprise, mal gérée et qui, selon eux, fait des dégâts énormes pour l'environnement. Et alors, ce qu'il est assez intéressant de voir, c'est que deux jours avant le vote en séance plénière à Strasbourg, il y a eu un événement, on va dire, il y a eu un débat qui a été organisé et dont le titre était « Comment le gaz de schiste transformera l'Europe ?» Alors, ce débat, il avait lieu à l'intérieur du Parlement européen, donc à côté de la salle, à côté de l'hémicycle, et il était organisé par un groupe qui s'appelle « Responsible Energy Citizens Coalition », donc une coalition citoyenne pour une énergie responsable. Dans les intervenants, dans les speakers, on voit des gens du Parlement européen, notamment qui ont une certaine légitimité. Et on va voir à travers leur campagne de communication que CNES est assez professionnel. Donc ils ont des OPS qui accueillent tout le monde, ils ont ensuite des écrans plats, des jeux interactifs, ils ont des cocktails assez chics avec des gens en costard cravate avec un verre de champagne à la main. Et cette image d'une coalition citoyenne avec une campagne de communication de relations publiques si professionnelle, évidemment, ça posait question. Ce qui posait encore plus question, c'était les arguments avancés par cette Responsible Energy Association. Donc, malgré leur affiche très verte et un peu orange, très environnementale, leur argument, c'était quoi? C'était que le gaz de schiste est une bonne chose pour l'Europe et que de nombreuses études avaient été menées et qu'en soi, ça ne faisait aucun mal à l'environnement. Et que donc, il fallait continuer et qu'il y avait une volonté de la part de citoyens d'explorer cette énergie. Bien entendu, vous vous en doutez, toute cette campagne de communication et cette organisation avait été en fait financée par les trois plus grosses entreprises de oil and gas, enfin de pétrole et de gaz de Pologne. Et donc, là, c'est vraiment un exemple clair d'astroturfing, où on a des industries qui veulent absolument que la législation aille dans leur sens. Ils vont créer un faux mouvement citoyen, qu'ils vont même appeler avec un nom vraiment trompeur. Ils vont parvenir à s'introduire à l'intérieur du Parlement européen. Il faut savoir que pour organiser une telle manifestation ou une telle exposition dans le Parlement, vous avez besoin de l'accord de vos députés. Et donc, ils ont réussi à s'installer là et à promouvoir et à argumenter leur cause. Et donc, ça, évidemment, c'est un petit peu problématique. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Du coup, il y avait des membres du Parlement qui allaient débattre pendant la conférence. Et justement, ces membres, une fois que c'est découvert, parce que en cas d'astrophone, ils ont eu des sanctions ou... Ils n'ont pas eu de sanctions en tant que telles. C'est ça qui est assez problématique. Il y a eu des débats et des discussions, d'ailleurs. Il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, même si on blâme souvent leur transparence, par exemple, toutes les discussions sur ces questions-là sont accessibles en ligne sur le site du Parlement européen. Et donc, on voit que, en effet, le parti politique, le Greens, avait senti l'affaire et qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Et donc, ils ont directement pointé du doigt. Ils ont dit, voilà, ça, c'est problématique. Ces gens-là doivent faire face à leurs responsabilités, doivent démissionner, etc., etc., etc. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est une bonne question. Avez-vous une idée pour la... Ah oui. Et si je reprends ma timeline. Donc, ces deux résolutions ont été votées. Les partis politiques écologiques et notamment les groupes d'intérêts environnementaux espéraient que l'exploration de gaz de schiste soit complètement pas été le cas. Et donc, ces deux votes ont simplement mené la Commission européenne à rédiger une recommandation sur l'exploration du gaz de schiste. Et là, évidemment, la Commission a fait une consultation publique où les citoyens et les industries, tout le monde est invité à participer. Et puis là, on est encore en négociation. En 2016, ils sont en train d'analyser, voir comment cette recommandation est écrite. Une des questions que j'aimerais vous poser, c'est à votre avis, pourquoi ce groupe Aswater a été créé pour essayer d'influencer le Parlement européen plutôt que la Commission européenne? Qui a une idée? Donc, en termes de lobbying, il faut savoir que la Commission européenne, elle a des liens peut-être un peu plus étroits avec les industries et les entreprises. Là où le Parlement européen, il est composé de 751 membres qui sont élus directement par les citoyens, par les 500 millions de citoyens européens. Et que donc, forcément, le but d'un eurodéputé, c'est de représenter les citoyens. Et donc, il va écouter les citoyens, parce que plus tard, il va se faire réélire, de toute façon, donc il va écouter les gens qui vont voter pour lui. Et donc, forcément, le Parlement européen a une histoire qui fait qu'il est toujours un peu plus à l'écoute des citoyens. Et donc, forcément, un mouvement Aswater qui veut se revendiquer en tant que mouvement citoyen, eh bien, il a plus de chances de succès s'il s'adresse au Parlement européen. Et parce que d'autre part, les industries ont déjà d'excellents liens, des liens très étroits avec la Commission. Et donc, ils ont déjà leur façon de faire leur stratégie lobbying de ce point de vue-là, ils ont déjà les contacts au niveau de la Commission. Et c'est pour ça que eux, leur volonté, c'était que la législation soit de retour à la Commission européenne, là où ils peuvent faire leur stratégie lobbying un peu plus directe. Donc ça, c'était pour le gaz de schiste en Europe. Sinon, un des premiers cas d'Aswaterfing, c'était la National Smokers Alliance. Donc ça avait été créé par Philip Morris en 1991. Et là, c'est vraiment cette idée que les grandes industries de tabac vont créer des mouvements et des alliances pour expliquer, pour défendre le droit des fumeurs. Et donc, bien entendu, les liens n'étaient pas explicitement mentionnés, vu que là, on reste dans cette définition de la Aswaterfing où c'est une stratégie dont la source est occultée, même si, par définition, tout le monde avait une idée qui était derrière ce groupe. Ensuite, maintenant, le Tea Party. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Les étudiants en communication politique, vous voulez savoir? Alors, le Tea Party, c'est un mouvement politique aux États-Unis. C'est un mouvement politique qui est relativement de droite, même la droite des conservateurs. Et l'acronyme du Tea Party, c'est en fait, ça veut dire Taxed enough already, ça veut dire nous avons déjà assez de taxes. Et eux, leur revendication, c'est de ne pas avoir de gouvernement, de ne pas avoir de taxes ni rien. C'est vraiment une volonté de récupérer un peu cette notion de pouvoir et de vraiment n'avoir aucune législation. Et évidemment, derrière ce Tea Party, eh bien, on retrouve de puissants acteurs du monde marchand comme le frère Koch. Et c'est peu académique, mais je vais vous montrer une vidéo d'une série qui montre bien ce que c'est la définition de ce Tea Party. Donc, on va voir que même dans la reprise, dans la culture populaire, les gens savent que ce Tea Party, eh bien, il est foncièrement financé par des grands manias de la finance ou du milieu médiatique, mais ça continue à marcher. Well, I'd like to be part of a movement, but what movement would want an angry fat guy with a lot of opinions who hates listening? For regular people trying to take back our government. Look, if The Tea Party isn't the grassroots movement you think it is. It's actually funded by big business types who are using you to get the government out of their way so they can roll over everyone. Mom held hands with a woman at the gas station this morning. Don't know what that means, just reporting it. All I'm saying is you're being used and you're too clueless to know it. What? Voilà, donc vous pouvez voir que même dans la... Vous pouvez faire un peu de recherche en regardant des séries et des films. Et d'ailleurs, au sujet du gaz de schiste, il y a un excellent film qui s'appelle Promised Land, réalisé par Gus Van Sant avec Matt Damon, et qui parle exactement de cas d'astroturfing dans le milieu du gaz de schiste aux États-Unis. Donc pour ceux que ça intéresse, ils veulent travailler le soir. Encore deux, trois exemples avant la pause. Donc, au niveau assez récent du Brexit, il y avait énormément de débats qui ont eu lieu sur Twitter notamment. Et il y a deux chercheurs de l'université d'Oxford, si je ne m'abuse, qui ont essayé d'analyser et de voir qui communique sur le Brexit en fait en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et donc ils ont analysé les différents hashtags et les différents comptes, d'un côté ceux qui sont pour le Remain et d'autres qui sont pour le Leave. Et en fait leurs conclusions sont assez éloquentes, vu que, bon, tout d'abord, ils définissent les bots, donc ces robots sur Twitter, comme des comptes qui ont des interactions automatiques avec d'autres utilisateurs. Et donc, ça, leur premier résultat, c'est qu'il y a énormément de bots qui ont participé aux conversations sur le débat du Brexit en 2016. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont voir que moins de 1% de tous les comptes qu'ils ont analysé, eh bien, a généré près d'un tiers de tous les messages. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point très peu de comptes, au final, ont communiqué énormément sur le sujet. Et évidemment, ces comptes, ils ont un peu fait des analyses, ils se sont rendus compte que c'était souvent des bots, et que ces bots, en fait, ils n'avaient même pas pris la peine de changer, de mettre une photo n'importe laquelle de quelqu'un ou de mais qu'ils ont gardé la première image que vous avez quand vous créez un constructeur, qui est celle d'un œuf. Et donc, ils vont appeler ces comptes des Twitter Eggs. Et du coup, ça, c'est une première façon de déjà détecter lorsque vous suivez des politiciens ou autres sur Twitter, de voir si, par exemple, dans la liste de leurs followers, vous avez énormément de Twitter Eggs ou pas. Donc, je me suis amusé à le faire pour le mouvement Momentum, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est un mouvement grassroots qui a commencé en Angleterre et qui soutient Jeremy Corbyn. Vous voyez plus ou moins qui c'est. Et donc ce qui était assez intéressant de voir, c'est que ce mouvement qui se relie grassroots, vous regardez les autres followers et vous verrez qu'il y a chaque fois énormément de photos avec simplement des œufs, avec un ou deux tweets, avec chaque fois nom, prénom et un numéro. Et donc, on peut se douter que les créateurs de cette page Momentum ont simplement acheté énormément de comptes. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'il ne faut pas considérer l'astroturfing comme quelque chose de ce qui est soit noir, soit blanc. C'est pas forcément, ce n'est pas astroturfing ou c'est astroturfing. Moi, je préfère le voir plutôt comme un continuum. D'un côté, on est complètement dans l'astroturfing. Et là, c'est le cas, par exemple, avec le groupe façade qu'on a vu pour le gaz de schiste, où c'est exclusivement cela. Ensuite, là, c'est la véritable grassroots. Et puis, bien sûr, il y a entre les deux, il y a évidemment certains mouvements qui sont hybrides. Donc, par exemple, ce mouvement Momentum, eh bien oui, à la base, il a été créé par des citoyens, mais ils essayent de gonfler leurs chiffres et leur présence et leur voix en achetant des faux followers. Donc c'est cette idée que c'est pas toujours noir ou blanc. Toujours parfois prendre un peu de recul et la réalité est parfois plus complexe. Le 50 Cent Party, ce que vous connaissez, rien à voir avec le rappeur. Donc c'est le terme qui a été utilisé pour désigner en fait tous ces fonctionnaires ou tous ces gens qui travaillent en Chine pour publier des messages favorables sur le gouvernement chinois, sur le parti communiste. Donc ce terme fait référence au fait que, selon la légende, chaque personne qui mettait un commentaire favorable au sujet du gouvernement chinois, eh bien, recevait 50 cents de yuan, pas de, pas de dollars. Et donc, c'est cette idée. On est nouveau en plus dans l'idée de propagande et de volonté d'envoyer des messages et de justifier, de légitimer un gouvernement en utilisant des campagnes d'astroturfing à ce sujet. Ensuite, si vous avez lu le Huffington Post récemment, vous avez vu qu'il y a une certaine enquête sur Marine Le Pen et sur son usage également de bots sur Twitter. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette analyse, c'est que le débat, enfin, les débats pour l'instant politique au niveau des élections françaises, eh bien, le Front National est extrêmement présent, ou semble extrêmement présent sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier. Comment font-ils? C'est très simple. Ils ont une petite équipe de communicateurs. Donc, c'est une petite équipe, ça qui est vraiment intéressant. Et c'est qu'elle fonctionne extrêmement bien. Elle parvient à envoyer les messages et les hashtags et les mèmes qui sont préparés à l'avance au bon moment pour que, voilà, pour que la conversation aille dans le sens du Front National et que là, ça commence à aller dans la trend de Twitter. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que pour faire de l'astrodorfing, il ne faut pas forcément avoir des énormes équipes, mais parfois simplement une petite équipe de gens qui ont les qualités et qui ont les skills informatiques pour le faire, peuvent être assez... peuvent réussir ce genre de coup. Je vais finir par deux cas. Donc ici, ça, je suis tombé dessus avant-hier, c'est assez marrant. C'est un robot qui est un exemple vraiment de plagiarized participation. Donc c'est un robot qui vous contacte et qui vous dit « Bonjour, je suis un robot, je vais vous aider à contacter votre législateur. » Et donc, grosso modo, il va vous demander votre nom. Il va demander quels sont les législateurs que vous voulez contacter, quel est votre problème. Et donc, en répondant à ces questions, le bot va créer une lettre qu'il va envoyer lui-même au, au législateur en question. Et donc, maintenant, il y a vraiment une forme de participation citoyenne, mais ici, il y a vraiment pour les personnes qui sont un peu plus paresseuses. Donc, les gens ne veulent pas rédiger une lettre vraiment, mais ils vont avoir des robots qui écrivent leur lettre, même pas leur lettre, leur fax, en fait, à leur place. Donc, c'est... Ça, ça permet de soulever quelques questions de ce point de vue-là, et donc de toujours réfléchir. Ce n'est pas forcément de l'astroturfing en tant que tel, puisque c'est une personne qui, au final, remplit les vraies conditions et les vrais critères pour contacter le Parlement, mais on est à chaque fois dans ces idées aussi que l'informatique et que l'émergence du numérique permet de faciliter ou non la participation citoyenne dans les débats. Et enfin, un... dernier cas avant la pause, c'est un cas un peu plus culturel. Et donc, il y a un écrivain, R.J. Eloy, qui a rédigé un très bon roman, A Great Belief in Angels. Et donc, c'est un roman qui avait une excellente critique sur le Guardian. Et qui, en soi, c'est un écrivain respecté. Ses romans sont traduits dans différentes langues. Il a déjà vendu des millions et des millions de romans. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on va sur... on allait sur, sa, sur la page Amazon du roman, on pouvait voir des commentaires qui étaient assez, voire trop dithyrambiques. Et donc ici, une des personnes qui a commenté cela, donc ça s'appelle Jelly Bean, « One of the most moving books I've ever read, one of the most talented authors of today, etc. » Ce sont chaque fois des commentaires qui sont très élogieux, et bien sûr, ils... voilà. Vous en doutez, c'était en fait l'auteur lui-même qui mettait des commentaires avec un faux nom sur Amazon pour promouvoir son livre. Et donc voilà, l'astrodorfing ne touche pas que, les, que le domaine du politique, mais que même un auteur ou un écrivain qui est respecté, eh bien, il va faire lui-même une sorte d'astrodorfing pour promouvoir son livre. Et donc des cas comme ça, on en voit partout, soit dans le milieu culturel, donc sur TripAdvisor ou autre, eh bien, les gens vont toujours forcément essayer de faire référence à ce bouche à oreille, à cette idée que leur produit marche. Mais il faut néanmoins souligner que de plus en plus de chercheurs et autres, ils arrivent maintenant à créer différents algorithmes pour essayer de détecter ce genre de, voilà, de stratégie un peu non éthique. Et que donc de plus en plus, il y a une recherche derrière, et il y a notamment de très bons chercheurs à l'Université de l'Indiana, voilà, qui essaye et dont les recherches se focalisent exclusivement sur la détection de catastrophe surfing en ligne. Et donc, c'est là-dessus que je propose de faire 5 minutes de pause. J'ai atrocement mal au dos. Putain, j'ai nouveau accroché. Tu sais que ça tombe dans un truc. Mais ça nique les pantalons, moi. Je donne le bon, hein, parce que si je lui donne la version toute pourrie, je lui donne la version ratée. En fait, c'est parce que on s'est rendu compte après un pression et d'avoir pris personne. Parce que en fait, on ne pouvait pas le lire tout après, on pouvait pas. Désolée, mais je me fais. Oui, je sais, mais avec son entreprise, je savais pas, puisque c'était, enfin, il devait mettre une clé cryptée, etc. Et il me dit, ah, mais on se voit à la gare et tout, à la gare, il me donne. Donc, il était déjà 13h30. J'ai eu un malaise. Heureusement, avec le cloud et tout ça, et internet, voilà, j'ai trouvé. Oui, voilà. Oui. Cette mauvaise expérience. Nous allons parler un peu des enjeux démocratiques de l'astrosurfing et donc peut-être retourner un peu dans un cadrage un peu plus théorique avec des théories que nous avons déjà vues au cours, notamment l'espace public d'Avrax. Je vais peut-être vous en présenter un ou deux autres concepts que vous avez peut-être déjà vus, on verra dans d'autres cours. Et ensuite, on va discuter vraiment des deux textes que vous avez été demandé de lire et de voir un peu quel est votre rapport avec l'astrosurfing et notamment d'un point de vue éthique. Et enfin, si j'ai toujours le temps de permettre, ce sera mon point de recherche. J'avance moins vite que prévu. Alors tout d'abord, il est important, lorsqu'on parle d'astrosurfing, de faire référence à Edward Bernays. Est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà entendu son nom? Oui. Il y a beaucoup de oui, donc on va tarder là-dessus. Mais donc c'est bien le neveu de Sigmund Freud qu'il a vraiment utilisé cette conception de la psychologie, de la psychanalyse, du subconscient, justement pour faire passer des messages et pour utiliser ça à des fins plutôt commerciales. Et donc, on sera un de ces faits marquants, c'est notamment le fait d'avoir réussi à faire fumer les femmes aux États-Unis, alors que c'était complètement interdit pour elles, que c'était vu comme quelque chose de très machiste. Et bien, lui, il va réussir en jouant sur l'inconscient de la population, notamment en utilisant la cigarette de façon un peu phallique et autre, de vraiment réussir à faire fumer les femmes et de montrer ça comme quelque chose de jeune et de cool, etc. Et donc, on est bien sûr dans son ouvrage propagandaire, qui est un grand classique et un référentiel de stratégie de relations publiques et de communication. Mais donc, Berès, lui, voit la propagande comme quelque chose de bénéfique. De nos jours, on a une conception et une acception de propagande qui est très péjorative, mais à la base, propagande veut bien dire le fait de propager, par exemple, une information, et c'est vraiment à partir de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avec le ministère de la propagande, avec Goebbels et autres, que vraiment, il y a une connotation péjorative qui va être donnée à ce mot propagande. Et donc, c'est pas comme ça que lui le voit, vu comme son frère, je vais le citer. Donc pour Berès, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Donc pour lui, en tout cas, la manipulation, c'est quelque chose de mieux que l'anarchie, que le chaos. Donc lui, il est un fervent défenseur de cette idée de propagande, de nouvelle propagande. Et donc, il y a notamment un autre ouvrage, le Génome de notre scène, donc, qui fait notamment référence aux travaux de Lippmann sur l'opinion publique au préalable, et qu'il ne faut pas placer d'un côté que Chomsky qui va reprendre cette pression, que Chomsky qui lui va vraiment critiquer plutôt cette industrie. Donc, passons maintenant à Habermas. Donc, qui peut rappeler un peu ce qu'est l'espace public? Personne. Oui. Oh non, c'est l'interface entre les citoyens et le politique. D'accord, oui, il y avait une proposition aussi. Oui, bah, c'est un lieu où un lieu de passage, on va dire, des revendications de la société vers les zones de pouvoir. D'accord. Il faut être assez prudent avec ce terme de lieu. Donc, l'espace public, c'est aussi un concept un peu plus abstrait que vraiment une salle ou un lieu. Et donc, c'est en 62 qu'Habermas a utilisé ce concept, et il va plutôt l'appliquer et le décrire à l'Europe du XVIIIe siècle avec cet espace public, donc cette interface entre le pouvoir absolutiste d'un côté et les citoyens de l'autre. Et selon lui, cet espace public marche avec la théorie de l'agir communicationnel et avec ce fait que les gens ont l'opportunité de débattre d'enjeux sociétaux. Ils peuvent débattre de manière libre, à la lumière de la raison. Et donc, le meilleur argument, d'un point de vue de la raison, le meilleur argument rationnel, va l'emporter et sera pour le bien public. Donc, c'est cette idée très normative, en fait, de l'espace public que Habermas va présenter. Bien évidemment, il va y avoir de nombreuses critiques sur sa théorie un peu idéaliste de l'espace public, notamment en fait qu'il n'accorde aucun rôle aux femmes, aux milieux ouvriers et autres, et que donc forcément, il y aura énormément de critiques sur cette théorie et sur ce concept qui est quand même encore très fortement utilisé par les chercheurs. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue d'Astrotherfing, qu'on a l'air de parler d'Astrotherfing et d'espace public, c'est en fait forcément cette idée très normative que les gens peuvent discuter de manière libre et de débattre de sujets et d'enjeux de société de manière libre, bien ça pose problème lorsque certaines personnes ou certaines organisations ne présentent pas une identité originelle. Donc ils mentent sur leur identité et donc sur leurs objectifs finaux. Et que donc forcément, le fait, par la définition d'un sort qu'on a vu, le fait de cacher sa réelle identité, ça pose problème à cette définition très normative de l'espace public. Par ailleurs, de nombreux auteurs parlent d'un espace public fragmenté. Donc, l'espace public, comme je dis, n'est pas une seule salle, il n'est pas un seul espace de discussion, mais à travers les années, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut parler d'espace public au pluriel, parce qu'il y a énormément maintenant de législations qui sont débattues, il y a énormément de contacts et de rencontres entre les représentants de la société civile et les gouvernements, et donc on peut vraiment parler d'espace public au pluriel, et cela se témoigne également par notamment l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet. Donc je ne dis pas que c'est un nouvel espace public numérique, mais je dis simplement que ça augmente le nombre de possibilités, de discours qui circulent sur certains enjeux de société. Et aussi cet élargissement de l'espace public, en fait, fait référence à l'élargissement à de nouveaux groupes, entre guillemets, qui apparaissent. Donc la société, elle évolue. Au moment où Habermas écrit sa thèse, il fait vraiment référence à, oui, il y a le gouvernement, il y a les citoyens, il y a les médias, qui ont un rôle important, le rôle de médias et de publicité, donc de rendre public cette opinion publique. Et donc, il va expliquer que de nos jours, il y a évidemment de nouveaux acteurs. On est professionnels de la communication politique, il y a des publicitaires, des intérêts privés, et que donc, il y a un élargissement des publics dans l'espace public, et qu'il y a des discussions, des échanges qui ont lieu dans différents domaines de la société, que donc on parle d'espace public au pluriel. Et à nouveau, donc de nombreux auteurs, ou même journalistes plutôt, pour décrire cette révolution comme le printemps arabe, comme Occupy, on l'a vu la semaine passée pour la Tunisie, ont été très, très friands et ont voulu montrer que c'était vraiment des révolutions numériques. Donc là, je renvoie au cours de l'article que j'ai écrit la semaine passée de prendre garde. Donc souvent, lorsqu'on parle d'enjeux numériques de la communication, on a des visions parfois utopistes à croire que la technologie résout les problèmes sociaux et que permet l'émancipation, etc. Et d'un côté, une version un peu plus dystopique qui dit que voilà, c'est particulièrement problématique ce genre de nouvelles technologies parce qu'on n'a plus de vie privée, on est traqué et qu'en fait, ça nous contraint. Et du coup, lorsqu'on étudie l'aspect surfing, on se situe un peu plus de ce côté dystopique et de croire que, ben oui, ces réseaux sociaux, Internet, etc., eh bien, ça participe à la création de stratégies de communication qui sont plus éthiques. Est-ce que c'est un peu clair? Donc, on parle vraiment de l'idée d'espace public. On regarde les évolutions de l'espace public à travers le temps, notamment avec l'ouverture à des nouveaux publics, des nouvelles organisations, des nouveaux métiers de la communication, par exemple, qui se professionnalisent. On fait référence également à l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Et donc, voilà, à nouveau, l'espace public, entre guillemets, évolue et change de forme. Et donc, cela nous intéresse pour l'astroturfing. Et donc, je vais continuer sur cette idée d'Internet et de la démocratie et de l'espace public, en fait, avec des critiques de Peter Dahlgren, qui est un chercheur et un professeur suédois en communication à l'université de Lund, et qui pointe des arguments intéressants qui expliquent notamment comment ça se fait que l'astroturfing parvient à pénétrer cet espace public. Et en fait, une des premières raisons, c'est l'évolution du métier de journaliste et du monde médiatique. Donc, si vous avez choisi communication corporate et communication politique, c'est parce que vous savez sans doute qu'en journalisme, c'est quand même des métiers très bouchés, avec des salaires et des heures de travail qui sont extrêmement, parfois, pénibles. Et donc, ça pose question. Parce que maintenant, le journaliste, voilà, il y a une rationalisation du monde médiatique. Ils ont de moins en moins de financement, mais pourtant, ils doivent quand même produire, et de manière assez directe. Donc, maintenant, lorsque un événement a lieu dans le monde, eh bien, on veut que le journaliste soit le premier sur la question, qui poste en premier un post sur Facebook, sur Twitter, sur le site de la rédaction, dans les journaux. Et donc le journaliste maintenant, il est vraiment mis sous pression parce qu'il a toujours cette course, cette course à l'information à publier en premier, alors qu'il y a de moins en moins de moyens dans ce milieu-là. Et donc, le lien avec l'astroturfing, c'est que le journaliste, il a moins de temps pour faire de travail d'investigation, pour vérifier ses sources. Et donc, forcément, lorsqu'il reçoit des communiqués de presse, eh bien, il a moins de temps, par exemple, de vérifier la source et de voir si l'information est correcte ou pas, de voir qui finance quelle organisation et autres. Et donc, forcément, les mouvements astroturf, ou en tout cas les campagnes d'astroturfing, eh bien, elles ont plus de chances de réussir dans une société où le journaliste a moins de temps pour voilà, vérifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On parle notamment de fake news ces jours-ci. Et voilà, ça pose des problèmes, ça pose des questions. Donc il y a de nombreuses recherches qui montrent notamment la balance qui est en train de changer entre le nombre de journalistes et le nombre de représentants ou de professionnels de la relation publique. Donc préalable, il y avait énormément de journalistes pour peu de professionnels de la relation publique. Maintenant, on voit que cet échange a complètement changé et qu'il y a plus de professionnels de la communication et des relations publiques que de journalistes. Et donc, c'est aux journalistes de chaque fois de tirer de l'information qu'ils reçoivent, et cela dans un cadre où il a très peu de temps, où il y a une pression de sa direction et de son rédacteur en chef. Et donc, ça pose certains problèmes pour ça. Et ensuite, donc, j'en avais déjà parlé, c'est la professionnalisation du métier de communicateur politique et des lobbyistes et autres. Je vais un peu avancer. Donc, je voulais aussi vous présenter un modèle de relations publiques. Est-ce que vous le connaissez? C'est les quatre modèles pour les relations publiques excellentes de Gruning. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Pas du tout? D'accord. Alors, ce chercheur, ce qu'il va essayer de faire, c'est de théoriser un peu les campagnes de relations publiques, les campagnes de communication plus globalement. Et donc, il va s'en dégager quatre différents modèles. Le premier modèle, c'est celui de l'agence de presse. Donc, ça décrit principalement et particulièrement les campagnes de communication au 19e siècle, où le but, c'est vraiment d'avoir qu'on parle de nous. Donc, on va lancer des informations qui sont fausses. On va vraiment. L'objectif, c'est vraiment d'apparaître dans les médias et dans les journaux, peu importe la façon dont on le fait, peu importe la réputation, entre guillemets. C'est vraiment. L'objectif, c'est d'être publié, c'est d'être qu'on parle de nous. Donc maintenant, on peut faire vraiment des liens de ça avec les buzz, par exemple. Peu importe la façon dont on parle de nous, le but, c'est de faire du buzz et c'est vraiment direct. Ensuite, il y a un deuxième modèle qui est un peu plus éthique, qui est celui de l'information publique. Et là, on retrouve vraiment les communications plutôt, par exemple, publiques ou gouvernementales. Par exemple, une campagne de sensibilisation pour la sécurité routière, par exemple. C'est une information voilà, qui est relativement éthique et considérée comme vraie et qui est propagée. Et là, c'est aux citoyens ou au public, en tout cas, de dire si c'est des informations ou pas. Et donc, ces deux modèles sont considérés comme unidirectionnels parce que c'est vraiment une organisation qui envoie une information à un public. Point barre. Maintenant, on va voir les deux autres modèles. Ce sont des modèles bidirectionnels, donc le public est pris en compte. Donc dans le premier, c'est un modèle bidirectionnel asymétrique où l'organisation va essayer de prendre en compte les intérêts du public pour travailler sa communication. Donc là, on est vraiment plus maintenant dans les stratégies de marketing. On va essayer de voir et de faire des recherches scientifiques sur ce qui plaît au public. Par exemple, dans le niveau de marketing, c'est vraiment savoir ce que vous voulez acheter. Si vous achetez cet objet-là, vous achetez cet objet-là. Et alors, comme ça, vous avez un feedback et comme ça, les communications marketing sont encore plus ciblées. Donc, c'est une asymétrie parce que l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les informations sur vous, si vous voulez, pour faire vos stratégies de communication. Et alors, le modèle idéal de Gruning, qui qualifie d'excellent dans les relations publiques, c'est le modèle bidirectionnel symétrique, où là, il y a vraiment un échange entre l'organisation et le public, et que l'objectif est vraiment que tout le monde soit gagnant. Donc, bien entendu, ce modèle est assez difficile à atteindre. Par exemple, si je vous demande de catégoriser la communication de Donald Trump, vous la mettriez dans quel modèle? Oui, le premier. Donc, le premier, par exemple, ça veut dire qu'il utilise des tas d'informations souvent erronées dans le but de faire pareil. Donc, ça paraît cohérent. D'un autre côté, il y a des moments où il fait des informations publiques qui sont véritables et vérifiables. Et puis donc, on se retrouve plus dans un modèle de l'information publique. D'un autre côté, quand il communique et quand il est en période électorale, on sait qu'il a des équipes de communication derrière lui qui utilisent des données sur les électeurs et qui va utiliser ces données pour travailler et pour profiler sa communication électorale. Donc là, on est plus dans le troisième modèle. Et donc, ce qu'il a assez intéressant de noter, c'est que chaque fois qu'on a des théories un peu normatives, comme l'espace public, ou comme ici, cette théorie normative des quatre modèles de relations publiques, il y a souvent des critiques. Et une des critiques, c'est qu'elle a été apportée par la théorie de la contingence de l'accommodation, développée par Cancel et notamment Glenn Campbell qui est intervenu dans le cours de méthode récemment. Et donc, eux, leur objectif, c'est de dire non, ce modèle, il est trop idéaliste, c'est un peu trop réducteur de chaque fois décider de placer, de considérer une stratégie de communication dans une des quatre cases. Au contraire, nous, on imagine de nouveau un continuum entre d'un côté ce qui est accommodation et le côté advocacy. Où advocacy, c'est vraiment presque de la manipulation pure, où le but, c'est vraiment d'influencer votre public avec des campagnes de communication. Donc, astrodurfing, c'est très plus du côté advocacy. Et accommodation, c'est plus le fait d'écouter son public et d'échanger avec lui. Est-ce que ça vous semble clair? D'accord. C'est un modèle assez répandu en relation publique. Je suis un peu surpris que vous ne l'ayez pas vu. Alors maintenant, on va un peu discuter des textes. Alors, tout d'abord, avez-vous des questions sur le texte? Les zones bombes. Le modèle bidirectionnel asymétrique. Donc l'objectif là, c'est lorsqu'une organisation va essayer de prendre en compte des informations sur le public, c'est une sorte de feedback, de manière à créer une campagne d'information qui sera encore plus effective sur le public. C'est là qu'il y a une asymétrie. Ce n'est pas pour la bienveillance et pour prendre leur avis sur la question, mais c'est par exemple une campagne de marketing, savoir que si vous achetez des paquets de chips des Grimms, bien vous allez acheter des Grimbergen par exemple. Et du coup, voilà, vous allez mettre, vous allez prendre ces informations ensemble, vous allez créer une stratégie de communication et dire, eh bien voilà, aujourd'hui nous vendons des Grimms et des Grimbergen à un prix réduit, vous faites un pack, et voilà. C'est le genre de stratégie de marketing qui est extrêmement utilisé de nos jours. Pour la surfing, je vous suggère, je vous invite à essayer d'utiliser la théorie qu'on a vue dans les derniers cours depuis le début du semestre, pour essayer d'un peu d'expliquer le fonctionnement de la surfing. Pour essayer d'expliquer comment ça marche, pourquoi ça a lieu, enfin, quelles sont les fonctions de la surfing. Donc je vous invite à un peu consulter vos notes. Et essayer de venir avec des idées. Je vais parler, je sais pas, de l'agenda setting, parler du two-step flow, peut-être du multi-step flow. Essayez de réfléchir. Je sais que c'est vendredi après-midi, mais. Un dernier moment de. Sophie Boulet fait souvent référence à l'agenda setting. Est-ce que quelqu'un peut un peu expliquer l'utilisation de l'astrodurfing avec cette théorie? L'utilisation de la surfing est juste pour essayer d'influencer un seul des agendas. Donc vous savez, il y a différents agendas, l'agenda politique, l'agenda médiatique et l'agenda public. Alors, est-ce que les campagnes de surfing n'ont pour vocation que d'influencer un seul des agendas? Est-ce que un peu détaillé. Essayez de prendre des exemples, par exemple. Est-ce que vous connaissez des exemples astrologiques? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Que ce soit en ligne, que ce soit en lisant les journaux? Ou alors c'était quelque chose de complètement nouveau pour vous? Je pensais vraiment ça. que vous considérez cette pratique comme éthique? Non. Si jamais votre patron, quand vous travaillerez dans 2 ans ou 3 ans, il vous dit « Bonjour Arnaud, j'aimerais que tu fasses une stratégie d'astroturfing sur tel sujet. J'aimerais que tu crées un faux mouvement citoyen, que tu crées un faux site web et que tu fasses croire qu'il y a un groupe citoyen qui soit pour cette initiative. » Est-ce que vous le faites ou pas? Non. Réfléchissez bien, parce que comme ça, c'est votre patron. Oui, parfois, il ne va peut-être pas le tourner aussi grossièrement que ça. C'est plutôt de nous manipuler et de nous dire ah, voilà, ce serait intéressant que tu fasses ceci ou cela et pas de dire on va créer un faux truc et on va essayer de ramasser des trucs. Ouais. Et maintenant, avec ce genre d'outils, vous êtes déjà capable de déceler quand ça sent. Oui. Monsieur, ça se fait de faire une campagne d'astroturfing pour le besoin. Enfin, dans le sens où on met en place, par exemple, une entreprise, comme on l'a envoyé à l'esprit pour le diagnostic, si le besoin ne. Enfin, en place une campagne d'astroturfing et puis après dévoile de la nuance. Ça s'est déjà fait ou... Je n'ai pas souvenir de cela. Car ce qui est assez compliqué avec l'astroturfing, c'est que comme on explique souvent en cours, c'est qu'on laisse souvent des traces. Par exemple, il y avait eu une campagne d'astroturfing lancée par le Parti Socialiste en Belgique qui avait envoyé des publicités dans les journaux sur le fait que le gouvernement MRNVA coupait dans vos salaires et prenait votre argent directement de votre poche. Ils n'avaient pas mentionné que c'était le BS, mais voilà, ils critiquaient le gouvernement assez ouvertement en faisant croire que les citoyens étaient révoltés et comprenaient de leur portefeuille. Et en fait, cette campagne, elle a tenu quoi? Elle a tenu 2-3 heures parce que directement, il y a des gens qui ont essayé de regarder qui était derrière cette campagne de communication. Ils ont vu l'adresse IP d'une personne qui est affiliée au Parti Socialiste et qui était dans les bâtiments du Parti Socialiste quand ils l'ont créé. Donc ce genre de jeu, ça a double tranchant. Si vous voulez créer un groupe d'astroturf pour quelqu'un d'autre et puis dénoncer et dire que c'est de leur faute, si jamais on arrive à détricoter tout cela, c'est encore moins éthique. J'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous êtes un peu au courant du registre de transparence au niveau européen? Donc, vous savez peut-être qu'il s'agit d'un registre de transparence qui est sur base volontaire actuellement. Et donc, c'est un registre dans lequel les organisations, aussi bien les entreprises que les syndicats, que les ONG ou que les groupes religieux, sont invités à remplir avec leur nom, avec leur financement, avec le nom de personnes qu'ils ont, de manière à établir et mettre un peu en lumière cette pratique de lobbying ou de représentation d'intérêt, comme ils le présentent. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est sur base volontaire. Et que du coup, dans le cadre du gaz de fil, par exemple, eh bien, ce groupe-là n'était pas dans le projet de transparence et il a quand même pu faire cette campagne. Donc, pensez-vous que rendre obligatoire l'inscription au registre de transparence pourrait complètement enrayer le phénomène d'astroturfing? Oui. Si ils ont d'autres moyens pour et quelqu'un un peu plus optimiste. Non, mais vous avez raison d'un côté, car c'est vrai que voilà, les lobbyistes sont réputés pour chaque fois essayer de trouver la petite porte d'entrée dans une législation ou autre pour foncer dedans et essayer d'avoir un maximum d'intérêt. Mais d'un autre côté, ce qui peut être intéressant, c'est que si vraiment on prend l'inscription obligatoire au sujet de transparence, ne plus que pour rencontrer des décideurs politiques, ne plus que pour avoir des rendez-vous avec. Des parlementaires ou autres, ça limiterait peut-être un petit peu. Bien sûr, bien entendu, ça n'empêche pas les lobbyistes de rencontrer les décideurs politiques dans d'autres lieux ou dans d'autres espaces. Est-ce que vous pensez que l'inscription au registre de transparence, ça ne débat pas beaucoup. Je vais présenter mon projet de recherche pour finir. Donc, l'objectif de ma thèse, c'est de construire une méthodologie pour justement détecter des pratiques d'astroturfing dans un cadre de lobbying. Donc le lobbying, c'est quoi? C'est la volonté d'influencer des législations, dans mon cas au niveau européen, par l'intermédiaire de stratégies de communication et stratégies d'influence, soit du lobbying direct ou indirect. Alors, au niveau du cadre théorique, donc vu qu'on a créé l'espace public, je vais vous présenter comment moi je pourrais l'utiliser dans ma thèse, par exemple. C'est que vu qu'on a parlé de la fragmentation de l'espace public, Ben moi, j'imagine que ça s'explique du coup comme une constellation. Une constellation où il y a à chaque fois une issue au centre du jeu, donc un enjeu problématique, faisant en prendre le gaz de schiste. Et autour de cet enjeu, il y a énormément d'acteurs qui vont évoluer et qui ont une attraction plus ou moins grande avec cet enjeu. Donc ici, dans mon cas, à gauche, j'ai des intérêts plutôt industriels, en bleu. À droite, j'ai les groupes d'intérêts environnementaux et principalement aussi les industries qui représentent des énergies concurrentes au gaz de schiste, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aussi l'industrie, par exemple, de l'énergie solaire ou autre, qui sont des vraies industries et qui militent contre l'exploitation du gaz de schiste. Il y a des médias qui sont en bout. Et on peut voir ici à droite le groupe Astroturf, qui à la base est bleu parce qu'il représente les intérêts privés, et autour est encerclé de vert qui se représente comme un mouvement citoyen. Et donc, tous ces groupes vont essayer d'influencer les décisions, soit au Parlement, au Conseil ou à la Commission. Et l'objectif de la recherche, tout d'abord, c'est de voir si l'astroturfing marche. Parce que si c'est une stratégie qui ne marche pas, ça ne sert pas à grand-chose de la nouvelle. Donc, comment faire cela? Alors, identifier le succès en lobbying, donc les étudiants en communication politique le savent, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc au tout début, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils allaient voir des lobbyistes, ils leur demandaient « Bonjour, est-ce que vous pensez que vous avez eu une influence sur telle législation ?» Donc c'était des entretiens semi-directifs, de manière qualitative, et la volonté d'évaluer et voir s'ils avaient une influence sur le sujet. Alors bien entendu, les lobbyistes disaient chaque fois « Oui, nous avons une influence sur cette législation, car eux, c'est leur business, donc ils veulent paraître évidemment un peu plus beaux qu'ils ne sont. » Et du coup, cette méthode de recherche n'est pas très performante. Alors là, la méthode que moi j'utilise, c'est une analyse de framing. Donc, j'essaye de voir, est-ce que tout le monde est familier avec l'analyse framing, communication corporate? Non. Ah. Je vais vite expliquer. Je vais aller assez vite pour qu'il me fasse 10 minutes. Donc, le framing. Concrètement, le framing... on parle que d'effets de framing lorsque des organisations, par exemple, utilisent un certain vocabulaire, un certain cadrage d'une information pour essayer d'influencer un public. Donc, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école psychologue et puis les sociologues. Donc, l'idée, c'est de regarder, d'analyser la façon dont on présente une information, comment elle sera perçue et comprise par le destinataire, par le public. Donc, très rapidement, en psychologie, on parle plutôt de equivalence framing. Avec une étude qui a été menée en 1972 par Daniel Kahneman et Amos Tversky, donc deux... chercheurs en psychologie, qui ont d'ailleurs remporté le prix Nobel d'économie en 2003. Et dans une expérience fondamentale, ils vont démontrer que la façon dont on présente une information va avoir une influence sur la façon dont le récepteur comprend et prend des choix rationnels ou pas. Et donc, leur expérience, c'est un contexte comme celui-ci. Donc, il y a une personne qui présente une information à environ une centaine de personnes. Donc, dans leur expérience, ils vont dire à la population étudiée, voilà, aux États-Unis, il y a une maladie qui est en train de se propager, une maladie asiatique assez rare, et qui risque de tuer 600 personnes. Pour faire face à cette situation, nous avons deux projets. Le projet A, et avec ce projet-là, 200 personnes seront sauvées. Et avec le projet B, il y a une chance sur trois que 600 personnes soient sauvées. Et donc, ils ont demandé aux intervenants quel programme vous choisissez. Celui où 200 personnes sont sauvées sur 600. Ou alors celui où vous avez une chance sur trois que 600 soient sauvées. Et il a paru que 74% ont choisi de sauver 200 personnes et 26% un tiers des personnes. Maintenant, ils ont posé cette même question à un autre auditoire. mais ils ont présenté les informations de manière un peu différente. Ils ont proposé le programme C. Avec le programme C, il y a 400 personnes qui meurent. Et avec le programme D, il y a une chance sur 3 que 600 personnes meurent. Et là, les choses se renversent. Et donc, on est plutôt à 75-25. Donc, ce qu'il est intéressant de voir avec cette expérience, c'est que la façon dont on présente des arguments qui sont logiquement et mathématiquement équivalents, eh bien, ça va influencer les décisions et les choix des personnes. Donc, quand on présente les solutions de manière positive et en termes de vie sauvée, les gens ne prennent pas de risques. Ils sauvent 200 personnes. Mais par contre, si on parle en termes négatifs et de mort, alors là, les gens veulent prendre des risques, ils sont prêts à plutôt à prendre un autre projet. Et donc, c'est cette idée du framing, c'est que la façon dont on présente un argument va avoir une incidence sur les décisions du public. Alors maintenant, ce courant, il est un peu critiqué. Il y a des débats avec les sociologues qui eux parlent plus de emphasis framing. Et donc, selon ce n'est pas la façon dont on présente une information qui aura une conséquence sur le public, mais bien quelles informations on va choisir. Donc, je prends chaque fois l'exemple du nucléaire. Lorsqu'il y a des campagnes de lobbying sur le nucléaire, d'un côté, il y a les entreprises et les organisations qui défendent l'industrie nucléaire qui vont dire « c'est une énergie qui ne produit aucun CO2 », donc des termes très environnementaux, et par ailleurs, créer tel job, autant de jobs et la compétitivité. Là où les entreprises, là où les ONG environnementales vont dire attention, l'énergie nucléaire c'est quelque chose de très risqué, on l'a vu avec Fukushima, on l'a vu avec Tchernobyl. Et donc, ils n'utilisent pas le même framing, ils n'utilisent pas les mêmes arguments, le même vocabulaire. Et donc moi dans ma recherche, l'objectif, tout d'abord c'est, je suppose que les groupes astroturf utilisent un autre framing que les autres groupes d'intérêt. Vu qu'ils se représentent comme un mouvement citoyen, mais qu'ils représentent les intérêts privés, je suppose qu'ils vont utiliser un framing qui est un peu différent, car ils veulent mixer des éléments sans doute des deux. Donc ça, c'est ma première hypothèse. Et mon autre hypothèse, c'est qu'en analysant comment c'est framing, il est possible de le détecter, et de voir quelle influence ils ont. Donc concrètement, ce que je fais, je prends des position papers, donc les positions de groupes d'intérêt, et je travaille sur le gaz de schiste, vous l'aurez deviné, des groupes d'intérêt actifs sur le gaz de schiste. Ensuite, j'utilise un logiciel d'analyse quantitative qui va analyser tous les mots qui sont utilisés et la façon dont ces mots sont utilisés. Est-ce qu'ils se situent à côté de tel mot ou de tel mot? De cette manière, j'arrive à voir quel framing ils utilisent, quels arguments globaux ils utilisent pour essayer d'influencer la commission de parlement. Donc, dans le gaz de schiste, d'un côté, en général, ce sont les arguments très économique, voilà, comme aux USA, ça a été démontré, ça produit des jobs, ça crée de l'emploi, c'est bon pour la compétitivité. Et d'un côté, il y a les ONG qui sont vraiment, il y a énormément de risques environnementaux, c'est pas bon pour ça va polluer l'eau, c'est pas bon pour les citoyens, etc. Et donc, je vais les placer sur, ça m'a rendu graphique. Donc là, j'ai fait un petit coup. Donc OGP, ce sont les producteurs de gaz et le pétrole, Eurogaz, c'est l'association Eurogaz, Business Europe. En bleu, ce sont les intérêts corporels. En vert au-dessus, ce sont les ONG environnementales. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que déjà à la base, il y a un shift, il y a une différence entre le framing des uns et le framing des autres. Donc, on peut, donc d'un côté, sur le côté gauche, ce sont les arguments économiques. Sur le côté droit, c'est un peu dispersé, mais c'est les arguments plus environnementaux. Et ensuite, au plus on va au-dessus, au plus les groupes d'intérêt veulent des législations. Au plus on descend, au moins ils veulent des législations. Et donc, ma façon de voir si... et donc, on peut voir ici Responsible Energy Systems Coalition qui se détache des autres groupes d'intérêt. Et donc, ce qui m'intéresse de voir, c'est si ils ont réussi à influencer les décisions du Parlement. Donc, vous avez parlé de deux votes qui avaient lieu. Donc, il y avait un vote en commission industrielle, donc c'est IP, c'est le pognon. Et ensuite, il y a la position finale de cette commission parlementaire. initiation également. Donc, mon hypothèse, c'est que si le framing se rapproche de celui du groupe Aspotter, c'est qu'il y a une influence. Ça veut dire qu'il y a des termes qui ont été repris par le Parlement européen et qui étaient dans le position paper, c'est dans les arguments du groupe Aspotter. Et que donc, par exemple, ça peut être un certain amendement qui était repris. Et donc, il y a vraiment eu un succès en lobbying et il y a eu une influence. Et on peut voir qu'au niveau du groupe parlementaire du Parlement européen, là, eh bien, il va vers la droite, vers le groupe Aspotter. Idem au-dessus pour le groupe parlementaire pour l'environnement. Entre le draft et la position finale, on voit que ça descend, ça se dirige vers le groupe Aspotter. Et donc, même si ce n'est pas le seul groupe d'intérêt qui a eu une influence sur la question, je peux soupçonner qu'il y a une certaine réussite de la part de ce groupe Aspotter. Et donc, mon idée, c'est que ce genre de méthodologie soit utilisée au niveau de la Commission ou du Parlement européen. Comme ça, eux reçoivent tous les position papers et ils peuvent directement voir quel groupe d'intérêt se présente aux citoyens. Parce qu'on a en fait un framing qui est complètement décalé par rapport aux autres. Est-ce que ça vous parle? Je vais quand même conclure. Donc, ce que vous devez absolument retenir aujourd'hui, c'est que l'Aspotter Thing est donc une stratégie de communication dont l'identité est toujours cachée et qui prétend être d'origine citoyenne. Deuxièmement, ça se propage dans les différents milieux de l'espace public, que ce soit milieu culturel, politique ou marketing. Et troisièmement, que le développement d'Internet et du numérique peut faciliter et peut offrir de nouvelles solutions à ce genre d'agents d'influence, mais que ce n'est pas la cause de l'émergence de l'influence. Et donc, je vous invite toujours à rester critique à l'égard des différentes informations que vous avez, parce que parfois, derrière un groupe d'intérêt que vous considérez comme citoyen, et bien, en fait, il y a des acteurs industriels derrière. Et donc, dans votre vie professionnelle, c'est toujours essayer d'être un maximum éthique, car sinon, le mensonge ressortira toujours à un moment. Vous avez des questions? Oui. Pardon? Cette idée de manipulation, des problèmes éthiques, il y a également des problèmes de manipulation. Ça dépend de quelle perspective vous placez pour regarder le phénomène. Mais quoi qu'il en soit d'un point de vue d'influence des médias ou des politiques ou du public ou autre, ça pose toujours des problèmes. Et ça pose aussi des problèmes au niveau démocratique parce que dans l'espace public, il y a un certain nombre de conversations entre guillemets entre les différents acteurs. Et à un moment, ça devient saturé et ces voix, entre guillemets, sont compétitives. Et lorsque vous avez des voix, des groupes Aspotter qui rentrent en jeu, eh bien, ça peut prendre la place d'autres voix de citoyens, notamment, et de groupes de la société civile. Et du coup, ça les prend en place d'un côté parfois. Donc, c'est ça qui est extrêmement dérangeant. C'est que l'opinion des gens soit en guillemets fabriquée et soit mise en concurrence avec des groupes. Des enjeux sociaux, tout à fait. J'ai surtout insisté sur les aspects économiques et politiques, mais ce genre de propagande ou de manipulation, ça peut avoir lieu dans des débats parfois un peu plus moraux, un peu plus. Bien, je vous souhaite une joyeuse Pâques.